Peter. La sonnerie du carillon retentit une deuxième fois. Nathalie jeta un rapide coup d'œil, vérifiant qu'aucun indice révélateur de notre sieste ne viendra nous trahir. Elle tapote un coussin, vérifie sa coiffure dans le miroir, se tourne vers moi. Jesus, je suis rouge comme une pivoine. Elle prend une grande inspiration et disparaît dans l'entrée. Comme elle a refermé la porte de communication, je n'entends qu'un murmure de voix que je devine féminine. Sans doute la maman du copain de Peter, que Nathalie remercie. Puis deux silhouettes se profilent derrière le vitrage de la porte qui s'ouvre lentement, laissant passer une petite tête blonde, suivie de Nathalie, qui a perdu sa belle couleur pivoine, mais dont l'expression marque le bonheur d'avoir retrouvé son fils. Le petit garçon à qui appartient la crinière blonde ne peut être que Peter, d'abord parce que Nathalie le tient par la main, mais ensuite et surtout parce qu'il est le portrait de sa mère. Même couleur de cheveux, même dessin du visage, mêmes yeux, mêmes lèvres, rien n'y manque. La bouche ouverte, d'où ne sort qu'un étrange sifflement, l'enfant intimidé se réfugie dans les jambes de sa mère. Elle s'accroupit pour le serrer très fort contre elle dans un câlin d'une tendresse qui en dit long sur l'amour qu'elle lui porte. Puis elle se redresse, le prend par la main et s'avançant fait les présentations. « John, voici Peter. Peter, voici John. » Le gamin tourne la tête, me regarde intimidé, puis surmontant son appréhension, se détache de sa maman et s'avance vers moi la main tendue. Sa menotte est toute petite, mais je suis surpris de la fermeté de la poignée de main du garçon. « Bonjour Peter. Très heureux de faire ta connaissance. » Le petit bonhomme enchaîne une série de gestes que Nathalie traduit. « C'est en langue des signes. Peter te souhaite la bienvenue et dit qu'il est très content de faire la connaissance de l'ami de sa maman. » Je regarde Peter. « Merci à toi, Peter, de m'accepter pour une semaine. » Nouvel enchaînement de gestes et traductions. Peter demande pourquoi tu t'appelles John, alors que tu es français. John n'est pas un prénom français. Je souris au garçon. Je crois que c'est ta maman qui a l'explication. Tout en nous faisant passer par ce qui semble être une bibliothèque au milieu de laquelle trône un très grand piano, Nathalie explique à son fils pourquoi elle a trouvé plus commode de m'appeler John. L'enfant sourit, ses petites mains dansent devant son visage et sa mère traduit au fur et à mesure. « Si je pouvais parler, je suis sûr que je pourrais dire ton nom. Jean, c'est très beau et j'aime bien entendre parler français. » Nathalie commande. « Peter a l'oreille très musicale, c'est pour cela qu'il préfère le français à l'anglais. Surtout comme on le parle aux États-Unis et dans certains États du Sud, le Texas en particulier. » Autre échange entre Peter et sa maman. Il me demandait si tu avais visité la maison. Je lui ai dit oui, à l'exception de sa chambre. Je lui ai proposé de le faire maintenant. Es-tu d'accord? Pas de problème, je vous suis. L'enfant nous précède, ouvrant une porte qui donne sur le sas au fond du séjour. Arrivé dans le couloir, il s'arrête devant la première porte à gauche, l'ouvre et me prenant par la main, m'entraîne de ce qui est une vraie chambre de garçon avec un grand lit en mezzanine, bureau et bibliothèque en dessous. Vient ensuite un espace de jeu avec coffre, table basse, tente indienne, train électrique, etc. Au fond de la pièce, une porte donne sur la salle de bain. Je complimente Peter sur sa très jolie chambre en lui disant que j'aurais aimé en avoir une comme la sienne quand j'étais enfant. Ça a l'air de lui faire plaisir. Nous revenons dans le couloir où il remarque que je porte une attention particulière aux tableaux qui y sont exposés. Il m'adresse une série de gestes. J'aime aussi beaucoup ces tableaux, mais celui que je préfère est dans la chambre de maman. Je le trouve très beau. Et toi? Nous avons les mêmes goûts, car c'est celui que je préfère aussi. Je m'accroupis pour me mettre à hauteur de l'enfant. Je trouve aussi que ta maman est très belle, et bien plus naturelle que sur ce tableau. J'observe Nathalie du coin de l'œil et je vois qu'elle rougit malgré son air détaché. Peter me saute au cou et me donne un gros bisou, puis m'adresse une suite de gestes que sa maman me traduit aussitôt avec un trémolo dans la voix. Il dit que tu es quelqu'un de très gentil et qu'il voudrait que tu reviennes souvent à la maison. Puis, alors que je me relève en aparté, dois-je préciser qu'il n'est pas le seul à le souhaiter? Je rends ces bisous à Peter en le remerciant. D'une voix douce mais ferme, Nathalie nous rappelle à l'ordre, car nous n'avons pas vu le temps passer, il serait peut-être temps que Peter se mette à ses révisions avant le dîner. Peter reprend donc le chemin de sa chambre en sautillant d'un pied sur l'autre. Il a l'air tout heureux. Peut-être s'est-il rendu compte qu'il m'avait fait craquer. Ce petit bout de chou est tout simplement adorable. Nous retournons donc seuls dans le séjour, et Nathalie, qui se dirige vers la cuisine, se demande si je peux me rendre utile. Je suis embauché dans l'instant et préposé à l'épluchage de quelques pommes de terre, pendant que Nathalie s'attelle à la préparation d'un volatile que j'identifie comme ayant été une pintade. Tout en nous affairant, nous continuons à parler de la scolarité de Peter, qu'il a été très content de débuter en France. Il fréquente une école pour sourds-muets. Le fait qu'il ne soit que muet est certes un avantage pour lui par rapport à ses camarades de classe, mais ce sont surtout ses doigts en musique et en mathématiques qui lui ont valu d'être remarqué. Je demande, c'est donc lui qui joue du piano? Celui que j'ai vu tout à l'heure dans la bibliothèque? Abandonnant un instant la pintade qu'il est en train de farcir d'un mélange bizarre, Nathalie relève la tête et me sourit. Non, le piano c'est moi. Peter joue du violon. Mais nous jouons souvent ensemble, je m'exclame. Oh, astrophysicienne, musicienne et... Je n'ai pas le temps de finir ma phrase. Chanteuse et danseuse, plus quelques autres talents que tu connais déjà, et bien d'autres qu'il te reste à découvrir. Le petit air malicieux qu'elle a pris pour dire cela me laisse à penser qu'elle sait très bien ce qu'elle fait lorsqu'elle s'accroupit pour récupérer une cocotte dans un placard bas. Avec un pantalon taille basse, c'est une manœuvre qui ne pardonne pas. Je considérais déjà la chute de rein de Nathalie comme une splendeur, mais là, c'est un vrai chef-d'œuvre qu'il m'est donné de contempler. En glissant, pantalon et sous-vêtements l'ont largement découvert. Tout rentre dans l'ordre lorsqu'elle se relève, mais ce sourire me confirme, si j'en avais douté, qu'elle était parfaitement consciente du point de vue qu'elle m'offrait. Comme si de rien n'était, le regard en coin, elle m'observe attentivement tout en plaçant sa pintade dans la cocotte pendant que je m'acharne sur la dernière pomme de terre. Elle me fait remarquer. Je sais ce que t'as fait cette malheureuse pomme de terre, mais je suis certaine que si tu continues à l'éplucher comme ça, il n'en restera bientôt qu'une noisette. La pomme de terre ne m'a rien fait, mais je te regardais aller venir derrière tes fourneaux, et j'étais tellement sous le charme que je crois bien que j'aurais pu me trancher un doigt sans même m'en rendre compte. Je voudrais tellement que ma vie soit ici, près de toi. Nathalie s'est figée. La gaieté qui se lisait l'instantanément sur son visage a disparu, remplacée par une expression d'infinie tristesse. Ses yeux sans but. Je m'essuie rapidement les mains et la prends dans mes bras. Elle enfouit son visage au creux de mon épaule. « Nat, pardon. Je n'aurais jamais dû dire une chose pareille. Ça a été plus fort que moi. Mon cœur a parlé sans que ma raison le contrôle. Je te promets de... » Nathalie pose un doigt sur ma bouche. « Non, ne promets rien. Ce que tu viens de dire est un grand bonheur, en même temps qu'une grande douleur, car nous savons, toi et moi, que tu as une famille et que cela ne sera pas possible avant longtemps. Remercions Dieu de la joie qu'il nous a donnée en permettant que l'on se rencontre et que l'on puisse s'aimer. Touche-moi partout et embrasse-moi, j'ai besoin de sentir tes mains et ta bouche. J'ai besoin de sentir tes yeux sur moi. J'aurais voulu que l'on puisse faire l'amour là, maintenant, mais je crains que ni Peter ni la pintade ne nous le permettent. » Elle rit. C'est elle, c'est bien elle, capable de passer du rire aux larmes et des larmes au rire comme le ciel d'Irlande. Je l'embrasse passionnément et tandis que je la plaque contre moi, mes mains posées sur ses reins se glissent sous ses vêtements. J'y retrouve la douceur et la fermeté des rondeurs qu'elle m'offrait tout à l'heure. L'instant est bref, trop bref. Elle s'écarte avec un gros soupir. Elle a le feu aux joues et un tendre sourire sur son visage de madone. Ses yeux, où brille un reste de larmes, me disent sa joie et son bonheur d'être là, avec moi. Peter entre dans le séjour juste au moment où Nathalie enfourne la cocotte dans laquelle elle a disposé la pintade farcie et les pommes de terre que j'ai laborieusement épluchées. « Ce sera une cuisson lente à basse température, » m'a-t-elle expliqué, « pour rendre la chair plus fondante. » Chargé à la demande de Nat de mettre la table pour toi, je viens juste de passer derrière l'îlot de cuisine, mais après avoir ouvert le troisième placard, j'avoue être un peu perdu. Peter vient d'entrer. D'un seul élan, après avoir franchi la porte, il file tout droit dans les jambes de sa mère qui se baisse et avec une force insoupçonnée le décolle du plancher, le prend dans ses bras et le couvre de bisous. Elle s'adresse à lui en français. « Peter, veux-tu montrer à John comment mettre la table ?» Quelques signes très brefs en guise de réponse et l'enfant se laisse glisser des bras de sa mère, vient vers moi, me prend par la main et me guide vers les placards et tiroirs de l'îlot central. Peter est très efficace et en moins de 10 minutes, la table est dressée, nappe, assiette, couvert, verre, etc. Une agréable odeur de volaille rôtie commence à se répandre. Nathalie nous a rejoints et d'un rapide coup d'œil vérifie que rien n'a été oublié. « C'est très bien, Peter. Je vois que tu t'entends bien avec John. » suit de signes qui fait sourire Nathalie avant qu'elle ne traduise. Peter dit que tu es très gentil et que tu as une tête de pirate. Puis se tournant vers moi. Que dirais-tu d'un verre de vin pour te remettre de ce compliment en attendant que la pintade soit cuite? Très volontiers. Je me tourne vers Peter. Toi aussi, tu es très gentil, mais je n'ai pas vu beaucoup de pirates porter des lunettes. Nous nous installons autour de la table basse. Nathalie fait le service. Un sachagnement trachet pour les grands et exceptionnellement un coca pour Peter, qui s'assied sur le canapé près de sa mère, alors que j'ai choisi un des immenses et confortables fauteuils. Peter se lève et fait passer la ronde un assortiment d'olives. Nous trinquons. Je me sens bien, heureux, comme il y a longtemps que je n'ai été. Je regarde Nathalie. Elle est rayonnante. Sans doute sent-elle mon bonheur d'être là. Elle profite d'une absence momentanée de Peter, parti surveiller le minuteur du four, pour me tendre une enveloppe qui était sur la table sous un presse-papier. Un tendre sourire. « C'est pour toi. Un petit souvenir. » Rien sur l'enveloppe. Je l'ouvre. S'en échappe une lettre contenant trois photos que je reconnais immédiatement être celles prises lors de la soirée dansante à Barbizon. Elles sont magnifiques. Le petit mot qui les accompagne est rédigé de cette même écriture si ronde, si douce, qu'elle est une caresse pour les yeux. Mon tendre amour. En souvenir de ce week-end qui restera jamais gravé dans mon cœur et dans mon corps. Tu es en moi à chaque seconde. Je t'aime. Ta Nathalie. Je n'ai que le temps de ranger les photos sans pouvoir la remercier. Peter est déjà de retour. Quelques signes à sa maman. Nathalie interprète. Encore une petite heure et nous pourrons passer à table. Et complète. Avec la pintade, nous aurons une salade verte et comme dessert, la gourmandise préférée de Peter, un fromage blanc avec un coulis de fraises. Comment le dire sans nous trahir que mon dessert préféré, c'est elle. Je me contente d'une pirouette. J'en ai déjà l'eau à la bouche, et si ton appartement n'était qu'une évocation particulièrement réussie de Venise, je dirais que c'est Byzance. Elle met une fraction de seconde à réagir. Merci et bravo pour le second degré. Je la remercie d'un sourire. Nous continuons à bavarder un long moment tous les trois. Je remarque que Peter, en garçon bien élevé, se garde de couper la parole par des gestes intempestifs, attendant poliment qu'on lui demande son avis. Il m'est très difficile de voir Nathalie parler et contenir mon envie d'embrasser cette bouche adorable, qui semble m'envoyer un baiser à chaque mot qu'elle prononce. Les minutes ont passé sans que nous nous en soyons rendus compte. C'est la sonnerie du four qui nous impose silence. La pintade est cuite. Nathalie se lève. Il est temps de passer à table. L'ambiance du repas est particulièrement joyeuse et Peter, qui me pose une foule de questions sur l'Afrique, semble ravi de ma présence. Juste avant le dessert, il enchaîne une longue phrase avec ses mains qui volent comme des papillons. Je vois bien que Nathalie est troublée, hésite à traduire. Peter insiste et fronce un peu les sourcils comme s'il était contrarié par l'hésitation de sa mère. D'un air gêné, Nathalie traduit. Peter te dit qu'il t'aime beaucoup et qu'il aurait bien voulu que son papa soit comme toi. Je ne m'attendais pas du tout à ça et je reste un instant décontenancé. D'autant plus que du coin de l'œil, je vois clairement que Nathalie n'est pas bien. Que répondre? Je décide de laisser parler mon cœur. Tu sais, mon garçon, je suis très touché, parce que moi aussi je t'aime beaucoup, mais tu as déjà un papa, et on n'a qu'un papa dans la vie. C'est comme ça. Et personne ne peut rien y changer. Si tu le veux, je serai ton ami et même ton meilleur ami. Ce ne sera pas facile pour moi de venir souvent, parce que je voyage beaucoup et dans des coins de l'Afrique où il n'y a même pas le téléphone. Mais je te promets qu'à chaque voyage, je te rapporterai un petit souvenir du pays où je serai passé. Le prochain sera le Cameroun. Je te montrerai sur une carte. L'enfant écarquille les yeux et avec un grand sourire, se lève de table et file directement dans mes bras. J'ai droit à un gros câlin d'autant plus doux que Nathalie s'est jointe à nous et profite de ce que Peter a le menton sur mon épaule pour me faire un bisou rapide au coin des lèvres. Puis elle caresse la tête du garçon avec tendresse. Ma réponse à Peter a fait mouche. Bien qu'encore troublée, Nathalie se ressaisit très vite et, s'accroupissant près de son fils, le prend dans ses bras. « Tu vois, Peter, je t'avais dit que John était très gentil. Et maintenant, si tu allais nous chercher le dessert pendant que l'on débarrasse ?» Tandis que le gamin file vers la cuisine, elle se penche discrètement à mon oreille et murmure « Je vois que je ne suis pas la seule à avoir eu le coup de foudre. » Il y a déjà une demi-heure que Peter est couché. Après leur pas, nous sommes restés tous les trois quelques instants à parler de son école et de la matière qu'il préférait. Le gamin répondit sans hésiter que c'était les maths, mais qu'il aimait aussi beaucoup l'histoire. Quand je lui parlais de la musique et du violon, il m'a répliqué, étonné, que ce n'était pas une matière scolaire, mais son passe-temps favori. Pour conclure son propos, il avait rajouté « J'ai toujours des notes de musique dans la tête ». Ensemble, nous sommes allés le coucher. À peine la tête sur l'oreiller, il dormait déjà. Maintenant, sur le large canapé de cuir, Nathalie est blottie bien au chaud dans mes bras. Nous venons de boire une infusion. Comme lors de notre rencontre d'eau nous. Nous ne parlons pas, savourant la tiédeur de nos corps. Nathalie est allongée, le dos contre ma poitrine, la tête renversée sur mon épaule. Je la tiens par la taille, les mains croisées sur son ventre, et rien n'est plus doux que de la sentir abandonnée contre moi. Le silence est presque total et les bruits de Paris nous parviennent étouffés par les lourdes vitres des fenêtres insonorisées, comme l'est l'ensemble de l'appartement, murs et cloisons compris. Nathalie m'explique que ses parents ne détestaient rien tant que d'entendre les voisins se brosser les dents, ou réciproquement leur imposer leur séance quotidienne de gamme au piano. Je lui demande s'il sera possible d'avoir droit à une démonstration de son talent joint à celui de Peter. Elle me dit en souriant que ce sera une surprise et que les surprises, ça ne se dit pas. La lumière diffuse de la seule lampe restée allumée donne à son visage encadré par ses cheveux blonds des reflets dorés comme si sa peau était elle-même source de lumière. Je passe doucement mon pouce sur ses lèvres, elle sa main dans mes cheveux. Ses yeux brillent de mille paillettes. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter un tel bonheur? Je suis en totale lévitation, plus rien d'autre n'existe que ses yeux. Mes lèvres se rapprochent des siennes et s'y posent doucement, les effleurant à peine de peur qu'elles ne s'évanouissent et que je ne me réveille dans une chambre d'hôtel quelque part en Afrique. Elle est bien réelle, je sens son souffle qui effleure ma bouche et dans lequel se mêlent quelques mots. Accepterais-tu un rendez-vous? Un rendez-vous? Quand? Où? Tout à l'heure, dans une heure, dans ma chambre. La salle de bain sera libre dans une demi-heure. Mais pourquoi tant de mystère? Elle met un doigt sur mes lèvres. Chut! J'adore le mystère. Tout en parlant, elle se dégage lentement de mes bras, se lève et me prenant par la main m'entraîne avec elle. Arrivée dans le couloir, elle s'arrête devant la porte de ma chambre, met ses bras autour de mon cou, m'embrasse tendrement et lâchant ma main, s'éloigne doucement à reculons. Elle disparaît comme avalée par le mur qu'elle frôlait l'instant d'avant. Cette scène est d'autant plus irréelle qu'elle a volontairement omis d'allumer et que tout s'est déroulé dans la semi-pénombre, d'un couloir éclairé par une lune qui, comme un barbizon, est notre seul témoin. Je rentre dans ma chambre, referme la porte et reste quelques secondes immobile, partagé entre excitation et angoisse, comme lorsqu'étant enfant et jouant à cache-cache, je tremblais qu'un de mes copains me trouve. C'est exactement la même crispation au creux de l'estomac, la même crispation à laquelle s'ajoute un instant d'affolement. Mon Dieu, elle va me faire une surprise. Comment vais-je m'habiller ? Je n'ai rien prévu d'autre que les vêtements dont j'ai besoin pour l'Afrique, et je ne vais tout de même pas rentrer dans sa chambre en sous-vêtements. C'est la panique. J'ouvre ma valise et la première chose que j'y trouve est un sarouel noir et son gilet, un vêtement que j'affectionne particulièrement pour les moments de détente. J'en profite pour vider rapidement ma valise, ranger mes affaires dans l'immense placard penderi et poser le sarouel sur le lit. Par chance, c'est le dernier que j'ai acheté et je ne l'ai encore jamais mis. Je suis heureux de l'inaugurer en une telle occasion. Je crois que Nathalie va être surprise, mais il est sûr qu'elle aussi me prépare quelque chose, sinon elle ne m'aurait jamais demandé l'exclusivité de la salle de bain pour une demi-heure. Encore 5 minutes, et le temps demandé sera largement dépassé. Vêtu du peignoir épongé trouvé dans le placard, j'entre avec précaution dans la salle de bain. Personne. Une douche rapide, un soupçon d'eau de toilette, un coup de brosse dans les cheveux, j'enfile le sarouel devant les portes-miroirs du placard. Plutôt satisfait de l'effet produit avec le bronzage du soleil d'Afrique, mes cheveux bouclés, ma barbe et le haut sans manches, l'illusion est complète. Un vrai corsaire barbaresque, à lunettes. Le cœur battant un peu plus vite, je frappe à la porte de la chambre de Nathalie. Pas de réponse. Je toque une fois de plus, toujours rien. Se serait-elle endormie? J'ouvre la porte avec mille précautions et entre dans la chambre plongée dans la pénombre. La lueur de 2 chandeliers posés sur la commode avec chacun leurs 3 bougies accroche des reflets dorés au décor que je redécouvre, mais de Nathalie, point. Je fais un pas, puis 2, rien, pas de Nathalie. Je ne sais trop que penser lorsque je remarque une bouteille de champagne dans un seau à glace et deux flûtes posées sur la petite table à côté de la banquette Louis XVI, juste sous le grand tableau. Elle est sans doute partie chercher quelque chose à la dernière minute, je n'ai qu'à l'attendre. Quelques pas et je m'assieds sur la banquette prenant garde à ne pas accrocher la table. Ce serait dommage pour le champagne. Mes yeux font le tour de la pièce. Quelle chambre magnifique! Qui plus est, avec l'éclairage des chandeliers, on pourrait vraiment se croire au XVIIIe siècle. L'ambiance est parfaite, tout à l'image de Nathalie. D'ailleurs, que fait-elle? Les minutes me paraissent des heures. Un problème avec Peter? Je prends une grande inspiration et décide de patienter encore 2 minutes. Les 2 minutes sont dépassées depuis longtemps. Je me décide à me lever et mes yeux s'étant accoutumés à cette ambiance fantomatique, j'aperçois une très grande et sombre silhouette encapuchonnée immobile à côté de la grande armoire. Nathalie? Pas de réponse. Seul un léger bruit d'étoffe. On dirait que la silhouette a bougé, mais peut-être n'est-ce que le fruit de mon imagination. J'avoue que j'ai une crispation au creux de l'estomac. Je ne suis pas ce que l'on peut appeler un faussard, mais je dois bien reconnaître qu'une foule d'idées, toutes moins rationnelles les unes que les autres, se bousculent dans ma tête. Cambrioleur, agression, et l'Afrique n'étant jamais loin, je ne sais quel mauvais esprit. Je me ressaisis très vite et j'avance résolument, muscles tendus, vers le fantôme sombre. Quel est cet inhabituel et étrange parfum? Je n'ai qu'à tendre le bras pour toucher la créature drapée dans sa mante bleu nuit, lorsque, sous la capuche, je devine ce qui semble être un masque vénitien argenté, décoré de paillettes et d'arabesques noires, qui souligne les yeux, les pommettes et la bouche. Derrière le masque, 2 yeux brillent d'un éclat métallique et me scrutent sans ciller. Nathalie? Une fois de plus, ma question reste sans réponse. Juste un léger mouvement, l'amplement de ses cartes élevant une main gantée. La main s'élève doucement jusqu'à la capuche qu'elle fait glisser en arrière, dévoilant une abondante chevelure brune. Derrière le masque argent et noir, les 2 yeux me fixent avec tant d'intensité qu'un frisson me parcourt le dos. Frisson qui migre vers mon ventre lorsque la même main gantée écarte résolument les 2 pans du long manteau, dévoilant un corps de femme vêtu d'une très, très courte nuisette au large décolleté. Les 2 seins lourds et fermes sont peut-être ceux de Nathalie, mais sûrement pas cette épaisse chevelure brune. Sous la lisière de la chemise, une ombre, dont je peine à deviner si elle est celle d'une fine toison ou d'un pli de tissu, puis ses 2 longues jambes gainées de bas de soie blanc fixées par des rubans de satin bleu. Juchée sur des socs argentés à haute semelle et toujours sans un mot, la créature m'observe. À cet instant, je suis persuadé que Nathalie me joue un tour avec la complicité de Béatrice. Je balbutie. Mais qui êtes-vous? Où est Nathalie? Pour toute réponse, elle fait un pas en avant. En un ballet très sensuel, chaque main dégante l'autre. D'un geste lent, très étudié, elle se débarrasse des gants par-dessus son épaule. Doucement, les jambes de la créature s'écartent. Et tandis que l'une de ses mains descend vers la confluence de ses cuisses, l'autre se pose sur ses seins. Je n'ai toujours pas bougé. Figé en un mélange de surprise et de désir, je parviens à balbutier faiblement. « Nat, c'est toi ?» Derrière le masque, toujours si glaçant et en synchronisation parfaite, avec la chaude activité des mains de la jeune femme, des gémissements étouffés me répondent. Tout me dit que c'est Nat qui me fait une énorme farce. Mais ma certitude vacille lorsque la main qui sous la chemise œuvrait en un rythme lent s'interrompt et se tend vers moi. Je ne réagis même pas lorsque l'inconnu s'empare de mes doigts et les guide là où les siens étaient l'instant d'avant. Ma main effleure une fine toison et j'ai un geste réflexe de recul, mais avec une force incroyable, la femme m'immobilise tandis qu'elle bascule son bassin vers moi. Le contact que j'ai tenté d'éviter se produit, mais l'ai-je vraiment tenté? Seigneur, c'est Nathalie. Impossible de ne pas reconnaître ce bourgeon si tendre et si dur. Nat, mais c'est toi. Le rire qui me répond me le confirme, et dans le même temps, capuche et perruque sont escamotés, tandis que le joli masque secoue sa crinière blonde. Avec des gestes lents de stripteaseuse, Nathalie, car c'est bien elle, glisse ses mains derrière la tête et décroche le masque. Je retrouve son visage, son sourire malicieux, et ses 2 bras nus autour de mon cou, le goût de ses lèvres. Au travers de la mince étoffe de coton dont je suis vêtu, je sens la chaleur de son ventre et de ses seins. Elle me cherche, ondulant des épaules aux genoux. Mes bras enlacent sa taille, tandis que sous l'ampleur de la cape, mes mains pétrissent deux autres merveilles. Comme tout le reste de son corps, ses lèvres qui fondent sous les miennes tremblent. Si ce n'était le rempart de mon sarouel, elle m'aurait déjà poussé sur le lit et chevauché. Je ne sais par quel miracle nous parvenons à nous calmer. Elle recule d'un ou deux pas, me fixe longuement, et dans ses yeux, la douceur remplace le désir. Rejoignant masque, gants et perruque, l'amante glisse au sol comme un loup rideux de scène. Il semble qu'elle dise dans mes pensées. Fin du premier acte. Laisse-moi te regarder. Tu es magnifique. J'avais l'impression d'être dans les bras d'Aladin. Et moi dans ceux de Circé. La magicienne, c'est toi. Tu as réussi à me faire douter. Pendant quelques secondes, je ne savais plus où j'étais. Au début, j'ai même cru que c'était Béatrice, de mèche avec toi, pour me faire une blague ou me tester. Elle fronce les sourcils. Et si ça avait été le cas? Eh bien, je pense que j'aurais fait semblant de croire que c'était toi. Et, voyons, comme un gentleman qui ne peut faire offense à une dame, je me serais senti obligé d'honorer ses avances. Contre toute attente, elle éclate de rire, me prend par la main. À en juger par ton état, tu ne faisais pas semblant. Eh bien, elle me conduit vers la banquette où j'étais assis tout à l'heure, m'invite à prendre place, me fait face et prend mes deux mains dans les siennes. Dans le mouvement, la nuisette remonte bien au-dessus de la toison d'or. Maintenant, j'ai terriblement envie que tu me montres ce que tu auras fait à Béatrice et... Une pomme d'Adam qui s'affole ne facilite guère l'élocution. Et quoi? Je lui raconterai ce qu'elle a manqué. Chippy! J'essaie de la renverser sur la banquette, mais avec une agilité incroyable, elle se dérobe et m'échappe dans un éclat de rire. « Attends-moi, je reviens. » Elle se dirige vers la porte de la chambre. « Où vas-tu ? » Encore un éclat de rire. « Cherchez Béatrice !» Et elle disparaît dans un froissement d'étoffe. Je ne sais si tout à coup il fait plus chaud, mais ce qui est sûr, c'est que la douche irlandaise est bien plus efficace que l'écossaise. Je n'ai pas longtemps à attendre. Nathalie est de retour, portant en grande cérémonie une magnifique boîte rouge dont je connais déjà le contenu. Le même que celle de Barbizon.